Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Cet été, travaillant sur les techniques du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, j'ai fait un exercice sur la répression qui m'a interpellée. Avec trois autres personnes, nous devions marcher en rythme. Face à nous, un protagoniste avait pour but de réussir à danser coûte que coûte, tandis que nous devions l'empêcher de s'exprimer en le frappant à terre, évidemment de manière théâtrale. Quelle ne fut pas ma surprise de ressentir une sécurité presque enivrante à faire partie du groupe qui réprime en rythme. C'était si rassurant d'être ensemble et de ne se poser aucune question. Néanmoins, un acteur vint mettre un grain de sable dans ce confort. Au lieu de s'opposer frontalement en dansant jusqu'à la mort, il se mit à nous imiter de manière à ce que nous ne puissions comprendre s'il était avec nous ou contre nous. J'étais totalement déstabilisée par ce clown. Devais-je le réprimer ou l'intégrer au groupe? Nous avions besoin d'un chef qui nous dise quoi faire, nous étions perdus. Cette expérience vécue dans mon corps m'a donné de l'espoir. Il est possible de diviser l'adversaire et de faire s'affaisser la répression. Encore faut-il braver la peur de la mort et en l'occurrence avoir beaucoup d'humour. Jacques Semelin a réfléchi toute sa vie sur cette question de la résistance. Comment un individu décide-t-il de persister à rester humain, tandis qu'un autre, souvent sous l'effet du groupe, bascule dans l'inhumanité? Directeur de recherche au CNRS, il est le spécialiste des génocides, auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont le célèbre « Purifier et détruire », professeur à Sciences Po et créateur de l'encyclopédie en ligne des violences de masse. C'est le seul chercheur français à avoir étudié les phénomènes de résistance non-violente, qu'il appelle « civile », dans des situations extrêmes de guerre ou de dictature, notamment avec son livre « Sans armes face à Hitler ». Et c'est aussi le seul qui a cherché à comprendre comment les trois quarts des Juifs en France ont survécu à la Shoah, d'où le titre de son dernier ouvrage, Une énigme française. Jacques Semelin, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence? Écoutez, la non-violence, pour moi, signifie deux choses. C'est d'abord un idéal de vie, un imaginaire social, politique, à travers lequel le respect des autres et des animaux est central. Et en même temps, la non-violence, c'est une forme d'action et de combat pour les droits de l'homme, contre les dictatures. Alors, s'agissant de la première, je me reconnais dans cette approche idéale qu'on va retrouver chez des auteurs, par exemple aujourd'hui, comme Judith Butler. Mm-hmm. Évidemment, ça reste quand même une utopie. Alors, il y avait un penseur qu'on a un peu oublié, Ivan Illich, qui parlait d'une utopie créatrice. Bon. En revanche, ce qui m'a toujours le plus intéressé, c'est la non-violence comme forme de combat. Elle est souvent considérée comme du pacifisme ou de la passivité. Ce cliché est véritablement insupportable, de mon point de vue, mais c'est la construction sémantique du terme qui implique ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours préféré une expression comme action non-violente, combat non-violent, lutte non-violente. L'action, on est dans une dynamique, mais non violente, c'est une rétraction, c'est un frein en quelque sorte. Mmh. Il y a là une sorte de paradoxe, et c'est par là que se construit l'action non violente. C'est une co-création entre ce mouvement et sa rétraction. Voilà. Vous avez écrit une autobiographie, « J'arrive où je suis étranger », dans laquelle vous dites « Est-ce le fruit du hasard si j'ai commencé par travailler sur la question de la résistance et singulièrement de la résistance civile ?» Évidemment non. Toute mon existence repose au quotidien sur une manière de résister moralement à la dictature des images. Résistance sans armes, bien sûr, faite de petits riens. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que votre existence entière soit basée sur une manière de résister moralement ? Bien, effectivement, c'est tout à fait lié à mon histoire, puisque à l'âge de 16 ans, par hasard, j'ai appris que j'allais perdre la vue. Et quand ? Ben, personne ne pouvait me le dire. C'était inéluctable, mais ça pouvait être à 25 ans, à 35, à 50. Aucun médecin ne pouvait le dire. Donc, c'est une catastrophe annoncée. Et il faut vivre avec ça. C'est par là que je pense que j'ai commencé à construire une posture de combat intérieur, en fait, contre la dictature des images. C'est une expression que j'ai trouvée beaucoup plus tard, justement, quand j'ai écrit « J'arrive où je suis étranger ». C'est par là que j'ai aussi commencé à m'intéresser à ceux qui pouvaient avoir écrit ou réfléchi sur ce que j'appellerais la force de l'esprit, c'est-à-dire une posture morale face à un danger qui vous assaille et qui va vous atteindre nécessairement. Vous avancez dans un brouillard qui devient de plus en plus épais, de plus en plus gris. D'ailleurs, quand on perd la vue, les gens pensent qu'on voit le noir. Dans mon cas, c'est plutôt une sorte de gris. Plus vous avancez et plus vous enfoncez dans le sable, c'est assez inquiétant. Et puis, vous vivez une métamorphose. Vous êtes toujours vous, mais en même temps, vous devenez un autre. Dans l'aise ou dans la gêne, dans la misère ou l'opulence, la maladie ou la santé, tiens-toi droit et souris. Parmi ceux qui se précipitent, ceux qui s'agitent dans le vide ou se cognent l'un contre l'autre, tiens-toi droit et souris. Parmi les gens qui jouent des coudes, ceux qui tendent les mains pour prendre, ou bien qui rampent et louvoient, tiens-toi droit et souris. Parmi ceux qui discutent et ceux qui s'injurient, ceux qui lèvent les poings, ceux qui lèvent les armes, tiens-toi droit et souris. Donc, c'est un extrait d'un poème de Lanza del Vasto qui, m'avez-vous dit, vous a attiré vers la non-violence. C'est exact. C'est une amie qui m'avait fait découvrir cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Je savais à ce moment-là ce qui m'attendait. Je devais avoir 18-19 ans. Donc, vous étiez très jeune encore. Oui, mais j'avais appris à l'âge de 16 ans que j'allais perdre la vue. Et j'en ai parlé à personne. Pas même à mes parents. Ce qui paraît stupéfiant aujourd'hui, mais c'est ainsi. Et en même temps, c'est parce que je voulais continuer à vivre, en fait, comme si de rien n'était. Et ce poème de Lanza del Vasto me décrivait une posture de force, en fait. Une posture de dignité. C'est exactement ce que je voulais essayer d'être, c'est-à-dire d'être agréable, sympa, bon vivant, et garder au fond de moi ce pronostic horrible. Et c'est par là que j'ai acheté un livre qui s'appelait « Nous sommes tous suspects ». Et en fait, c'était une action pour protester contre la torture en Algérie. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette approche de la vie et de la lutte. Et ça m'a conduit ensuite à découvrir Gandhi, Martin Luther King, etc. Alors, avant de devenir historien, vous avez une formation de psychologue. Et c'est ce qui vous a peut-être permis d'écrire un livre novateur qui s'intitule « Pour sortir de la violence ». On m'a dit que quand il est paru, ça a été un événement dans le monde de la non-violence parce que vous apportiez un autre regard sur la violence et sur la non-violence. Effectivement, j'ai fait des études de psychologie au départ. J'ai découvert d'ailleurs un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Bruno Bettelheim, Le cœur conscient. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Toujours là, en lien avec mon handicap, parce que j'insistais sur la force mentale, la force de l'esprit, etc. Et Bettelheim montre que dans les camps de concentration, ceux qui savaient pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire les communistes ou par exemple les témoins de Jéhovah, résistaient mieux à la situation terrible du camp de concentration que ceux qui ne savaient même pas pourquoi ils avaient été arrêtés. Et à ce moment-là, ceux-là, ils se dégradaient très vite et ils mouraient. Donc je me dis, mais si, voilà, faut que je garde ma conviction morale sur la force de la non-violence, la force morale et tout. Enfin bon, voilà. À force de lire des livres qui portaient sur la violence, sur l'agressivité, j'ai imaginé pouvoir écrire un livre qui renouvelle l'approche de la non-violence, non pas d'un point de vue politique, non pas d'un point de vue moral, non d'un point de vue religieux, mais à travers les sciences humaines. C'est-à-dire partir de cette énergie que nous avons tous en nous et qui peut se transformer en violence, mais qui peut aussi se transformer en autre chose qu'on va appeler, entre guillemets, non-violence. Oui, puis vous faites vraiment le parallèle entre la formation de l'individu violent, que ce soit au niveau psychique ou sociétal, comment une société crée des individus violents, et les phénomènes de violence massive comme la guerre ou le génocide, qui déjà donc, vous intéressaient, en tout cas, puisque vous en avez parlé beaucoup plus par la suite, tout en montrant comment la non-violence peut constituer une porte de sortie à toutes ces violences. Et j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur quelques points de cet ouvrage donc très riche. D'abord, cette idée fort répandue encore que la violence est naturelle. Quel est votre éclairage sur cette question ? Une expression de ce type-là, j'aurais tout de suite tendance à la critiquer, parce que qu'est-ce que ça veut dire, naturel ? La nature de la violence, ça se discute. Beaucoup, agressivité et violence, c'est pas du tout la même chose. Il y avait le développement, déjà à l'époque, de l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux. On montrait bien que le lion qui va dévorer l'antilope, c'est pas de la violence, il consiste à se nourrir, quoi. En revanche, ce qui m'a stupéfait, c'est quand j'ai pris conscience que l'homme, non seulement, bien sûr, est un prédateur de la nature, des animaux, etc., mais d'une certaine manière, l'homme, c'est la seule espèce, entre guillemets, animale, qui peut s'autodétruire. C'est le seul animal qui sait torturer son prochain. Vous n'allez pas avoir, je ne sais pas quoi, un crocodile qui va torturer un autre crocodile. Non, c'est l'être humain qui peut se torturer lui-même. Et donc, quand vous prenez conscience de ça, vous réalisez la puissance de cette liberté qui est laissée à l'homme de se construire ou de s'autodétruire. Et disons que c'est une autre manière aussi de toucher encore la question de l'esprit, des représentations mentales de l'autre. C'est à travers les représentations mentales d'un autre qu'on va être en situation de lui infliger la torture, le viol, toute autre chose absolument détestable. Donc, c'est-à-dire à travers les représentations qu'on se fait de l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça va me conduire à mes travaux sur le génocide aussi. Vous dites « être pacifique dans la vie quotidienne ne signifie pas être non-violent dans le conflit ». La paix ne se confond pas avec la non-violence, car très souvent, la paix masque la violence, laquelle dissimule le conflit. La paix de la violence entretient l'illusion que le conflit n'existe pas. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire entendre, que le conflit est nécessaire à la non-violence. Oui, mais en fait, on pourrait d'ailleurs dire que la non-violence, c'est une gestion du conflit. Et cette gestion non-violente du conflit, elle passe nécessairement par l'usage de la parole, qui essaye de libérer, qui exprime les tensions, les émotions, etc. Et puis, elle peut aussi se traduire par une manière de s'affirmer, à travers la parole ou à travers d'autres moyens, de telle sorte qu'on va retrouver cette idée de combativité, et non pas d'agressivité. Mais c'est à la fois l'affirmation de soi, dans le respect d'autrui. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas simple. On est tous confrontés à ça. Mais c'est en fait un continent très riche, ce qu'on appelle non-violence. En 1989, vous publiez « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe », réédité ensuite. Vous y montrez non seulement l'existence de luttes non-violentes de populations face au nazisme, mais aussi leur efficacité. Alors, est-ce que c'est possible de résister au totalitarisme sans violence ? Parce que pour beaucoup, c'est l'argument ultime contre la non-violence. Oui, mais face à Hitler, on ne peut rien faire d'autre que la violence. Mais écoutez, je vous remercie de cette question parce qu'en fait, elle fait suite aux conférences que j'avais faites autour de « Pour sortir de la violence ». Parce que dans les débats, vous aviez des gens qui me disaient, et en particulier des militaires qui venaient de m'écouter, « Ouais, mais d'accord, la non-violence, mais qu'est-ce que vous auriez fait face à Hitler ?» Bon. Bah, oui, c'était une question très importante. J'avais à l'esprit quand même deux cas. C'était ce qu'avaient fait les protestants du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, que j'avais lu, le pasteur Trocmé, qui avait dit dès juin 1940, nous résisterons avec les armes de l'esprit. Voilà. Et puis j'avais le cas du sauvetage des Juifs du Danemark. Mais je voulais aller beaucoup plus loin que ça par rapport à leur questionnement. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une thèse d'histoire sur les formes de résistance non armée, que je vais appeler civile, dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment un changement de paradigme dans mon évolution, à savoir que j'ai voulu faire de mes convictions non violentes originelles, je dirais militantes, une hypothèse de recherche en sciences sociales. Oui. Voyez. Est-ce que vous pouvez raconter, par exemple, le sauvetage des Juifs au Danemark ? Alors, le sauvetage des Juifs du Danemark, il intervient en 1943. Il y a toujours un gouvernement qui a refusé de persécuter les Juifs. Contrairement au gouvernement de Vichy, c'est d'ailleurs toujours très intéressant de les mettre en parallèle parce que c'est les deux pays où il y a eu une forme de collaboration d'État dès 1940. Et le gouvernement danois a dit aux Allemands, non, non, non, il n'est pas question de toucher aux Juifs parce qu'ils font partie de notre communauté nationale, on n'acceptera pas. Tandis que on sait que pour le gouvernement Vichy, ça n'a pas été la même chose. Donc ça a tenu pendant au moins 2 ou 3 ans. Et puis, il y avait une pression de Berlin pour quand même arrêter les Juifs. Et en septembre 1943, ils ont voulu le faire. Là, le gouvernement a démissionné. Et finalement, ça a été un sauvetage des Juifs vers la Suède. Alors ça tombait bien que la Suède soit un pays neutre, qui par ailleurs quand même collaborait avec Berlin. Faut pas l'oublier non plus, mais d'un point de vue économique. Et à ce moment-là, la majorité des Juifs de Danemark sont partis en Suède. Et c'est toute la population qui s'est mobilisée. Voilà. Et alors, Hannah Arendt dit dans Eichmann et Jérusalem qu'il faudrait que tout étudiant en sciences politiques étudie ce cas du sauvetage des Juifs de Danemark pour comprendre comment une résistance non violente, je pense qu'elle utilise le terme, peut réussir contre le génocide. Alors j'ai dit, ben voilà, moi je vais être un élève d'Hannah Arendt, je vais faire ça. D'ailleurs, Hannah Arendt vous a beaucoup inspiré, je crois, dans vos travaux en général. Elle m'a beaucoup inspiré parce qu'elle s'intéresse, bien sûr, à penser au totalitarisme. Ça conduit à ce que j'ai réfléchi à la notion de pureté idéologique, de pureté politique. Donc ça va être encore mes travaux sur génocide. Et en même temps, elle m'a invité à réfléchir sur ce qu'on appelle la banalité du mal. Mais ça, je me suis permis de critiquer la grande dame, parce que je n'étais pas tout le temps d'accord avec elle. Voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que vous aviez comme critique ? D'abord, il faut savoir que les Israéliens avaient capturé Adolf Eichmann, qui était celui qui organisait le transport des Juifs vers Auschwitz en train. Et ça fait donc l'objet d'un très grand procès. Mmh. Et Hannah Arendt est venue au début du procès, et puis finalement, elle est partie. Mais elle a quand même fait un livre après sur Eichmann, parce qu'il y avait une collaboratrice qui était sur place. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être le petit problème de départ. Elle n'a pas assisté à tout. Elle n'a assisté à rien. Elle est venue le premier jour. Mais surtout, elle a construit une théorie du mal à partir de l'observation de cet individu, Adolf Eichmann. Or, je pense que c'est simplement pas possible de penser le mal uniquement à travers l'observation d'un seul être humain. Il faut prendre, disons, une vision beaucoup plus large à travers l'étude du groupe. Mmh. Pour moi, l'individu ne devient tueur qu'en ayant vécu une sorte de métamorphose, bien sûr, idéologique, mais aussi à travers le fait qu'il est en groupe. Oui. Vous voyez, il y a la puissance de l'idéologie, on pourrait revenir sur les représentations mentales, mais ça ne suffit pas. Il faut un certain nombre d'autres facteurs. Et un des facteurs les plus fondamentaux, pour comprendre le passage à l'acte, il faut voir comment les individus se retrouvent en groupe. C'est à travers le groupe qu'ils peuvent se transformer en tueurs. Et parce qu'elle, elle dit qu'au fond, il dit tout le temps « je n'ai fait qu'obéir aux ordres oui, » voilà. Et donc ce n'est qu'un bon fonctionnaire. C'est ça. Mais il est pris en fait dans toute une logique et dans tout un système, c'est ça que vous dites, vous. Absolument. Et puis surtout, c'est une manière de penser un individu qui est en haut de la hiérarchie de l'État nazi. Mais il faut surtout essayer de comprendre ce qui se passe à la base, hein, ce qui se passe sur le terrain. Et c'est à travers l'étude concrète aussi du passage à l'acte qu'on peut comprendre comment les individus basculent dans le massacre, voire le génocide. Et est-ce que vous avez eu des surprises pendant vos recherches sur la résistance civile en Europe, pendant la guerre? Oui, alors quand même, il faut quand même que j'explique, Célia, que j'ai abandonné la notion de non-violence. Enfin, oui, dans le livre. Oui, c'est ça. Pourquoi? En faisant ma thèse, je me suis rendu compte que la notion de non-violence ne pouvait pas être opérationnelle parce qu'il faut quand même se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Ceux que j'allais étudier, qu'on va appeler des résistants, ne raisonnaient pas avec la catégorie de la non-violence. Il n'y avait pas une conscience de ce qu'est la non-violence. Voilà, c'est ça. Comme l'a dit un résistant français de l'époque, Claude Bourdet, nous faisions de la non-violence comme M. Journain faisait de la prose. Voilà. Donc, il fallait trouver un autre terme. D'autant que ces gens, ils espéraient qu'une chose, c'est que Londres tienne, les Américains rentrent en guerre, etc. Et que ce soit le rapport de force militaire. Donc, mais en même temps, ils voulaient faire quelque chose. Alors, cette notion de résistance civile m'est venue progressivement à l'esprit pour plus coller à l'époque. J'ai donc essayé d'isoler un certain nombre de formes de résistance civile de masse. Et ma plus grande surprise, c'est de découvrir que le général de Gaulle avait appelé à faire des manifs. Ah oui. Et cela, dès le début, c'est-à-dire pour les vœux du jour de l'an 1941, de Gaulle appelle à manifester pacifiquement, avec des couleurs nationales, pour exprimer son refus de l'ennemi. Mais après, il va organiser des manifs au 1er mai et au 14 juillet 41 et 42. Oui, il y a aussi cet exemple des travailleurs qui doivent s'arrêter entre 16h et 16h05. Ça, je crois que c'est au 1er janvier 1941. Effectivement, il demande à ce qu'en zone occupée, on ne circule pas dans les rues de 16h à 17h, et les Allemands, entendant ça, vont faire une distribution gratuite de patates à Paris, quoi. Enfin, oui, vous voyez, pour essayer de contrer... Je pense que les Français de Londres ont compris la possibilité d'une mobilisation de la population à travers des formes de résistance civile. Mais la résistance armée, on en était loin à l'époque. Hein. C'était simplement pas possible. Et d'ailleurs, de Gaulle, il était contre la stratégie des communistes de tuer des Allemands ou des collabos parce qu'il pensait que ça allait, il avait raison, développer la répression des nazis sur la population civile. Et donc, ça a été le cas, puisqu'il y avait une... Et ça a été le cas. C'est un officier allemand qui a été tué à Nantes, et puis 98 résistants ont été exécutés à Châteaubriand. Oui, donc une disproportion de la répression à partir du moment où il y a un attentat individuel. Voilà. Et aussi, vous écrivez, du point de vue psychologique, la résistance civile ne suscite pas la peur de perdre la vie, puisque par définition, elle ne recourt pas à la lutte armée. Et alors, c'est un argument qu'on va nous dire, mais oui, comme ils n'ont pas peur de perdre la vie, c'est inefficace. Sauf que vous continuez en disant, ce simple fait de ne pas menacer physiquement les individus est un facteur considérable de déflation de la répression. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la violence crée un réflexe de corps chez l'adversaire. Elle donne un prétexte, enfin un motif, à vouloir se débarrasser de cet adversaire par des moyens violents. En revanche, une stratégie non violente de résistance est de nature à susciter des divisions à l'intérieur de l'adversaire. Ça, c'est fondamental. Je signale au passage le livre de Erika Chenoweth et Maria Stéphane, Le pouvoir de la non-violence, qui est sorti il y a un ou deux ans, que j'ai eu l'honneur de préfacer en France. Ce sont deux chercheuses américaines qui travaillent sur les stratégies de résistance civile. Les deux possibilités d'agir sur l'adversaire à partir de stratégies non violentes, c'est diviser ses rangs. Mais l'autre aussi, c'est d'inventer des formes d'action qui décontenancent l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne saura pas comment véritablement le réprimer. Et je crois que c'est là une des ressources possibles de l'efficacité de l'action non-violente. Mais en même temps, ça ne marche pas toujours. Je ne veux pas oublier l'actualité qui est la nôtre. dans l'histoire immédiate, il y a eu plusieurs cas de lutte non violente, enfin, que je qualifierais plutôt de résistance civile, qui ont échoué de façon tragique. Je pense à Hong Kong, je pense à l'Algérie. À la Biélorussie, au Soudan. Et c'est vrai que cette période de lutte non violente efficace qu'on a connue depuis la chute du mur de Berlin en 1989 jusqu'au printemps arabe de 2010 a été souvent favorable à ces formes de lutte. Et d'ailleurs, Erika Schoenowet et Maria Stéphane les citent fréquemment. Mais aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle les États autoritaires se montrent plus forts et sans pitié, on va dire, pour réprimer ces mouvements. Et j'espère, puisque c'est le moment où nous parlons, qu'il n'en sera pas la même chose pour l'Iran, dans lequel on voit un mouvement incroyablement courageux, surtout de femmes. D'ailleurs, souvent, dans les résistances civiles, on voit la mobilisation des femmes. Et la question vraiment qui est majeure par rapport à notre échange, c'est la peur de la mort. Or, on voit que des jeunes femmes acceptent de prendre le risque de mourir simplement pour leur liberté, pour la liberté de leur pays. Donc, j'espère que tout ce qui est fait en ce domaine ne va pas encore une nouvelle fois se conclure par le silence de la résignation à la suite de la répression. C'est juste pour dire qu'on a des exemples positifs de résistance civile. Il ne faut quand même pas oublier ceux qui ont échoué. Et moi, mon travail de chercheur, ça a été justement de ne pas vouloir ignorer ces exemples qui n'ont pas marché, de telle sorte qu'on puisse en tirer, entre guillemets, des leçons. Voilà. Vous avez travaillé 10 ans sur le génocide et publié le brillant ouvrage « Purifier et détruire ». À la lumière de ces recherches, qu'est-ce que vous répondez à cette formule bien connue selon laquelle la violence est le moteur de l'histoire ? La violence est moteur de l'histoire pour arriver à quoi ? Quand on voit les tyrannies qui ont résulté du changement violent de régime, comme la Russie, comme la Chine, quand on étudie les mouvements de changement politique ou sociaux, etc., on voit qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui compte. La violence, ça peut jouer. Il y a aussi l'évolution des esprits, il y a aussi le contexte international. Enfin, oui, puis c'est vrai que dans la violence, il y a quelque chose de spectaculaire qu'il n'y a pas dans la non-violence. Effectivement, c'est pour ça que ça attire le regard et ça attire le journaliste ou l'historien. Mais il faut toujours garder à l'esprit que par-delà le spectaculaire, il y a aussi une autre réalité qui se fait dans le secret, dans le silence des maisons, dans la solidarité, dans l'entraide. Alors ça, je suis bien placé pour voir combien c'est important dans l'évolution d'un pays. Et vous dites concernant le génocide, cet objet de recherche est fondamental pour qui veut comprendre l'homme en profondeur, sa fascinante passion pour le pouvoir, y compris de détruire. Je dirais même sa fascinante passion pour la violence, justement. Oui, bien sûr. Mais là, du coup, ça me permet, parce que les auditeurs pourraient peut-être dire comment se fait-il qu'il est passé de la non-violence au génocide. Eh bien, il y a un lien commun. C'est une même question. Comment des individus ordinaires peuvent basculer dans l'extraordinaire du crime de masse ? En parallèle, c'est comment des individus ordinaires peuvent résister de manière parfois extraordinaire, les mains nues, contre une dictature, contre un système totalitaire. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, qu'on dit régulièrement, mais là vous travaillez longuement dessus, c'est que c'est souvent l'idéal de l'être humain qui le perd, c'est-à-dire que toujours d'en purifier et détruire, vous expliquez que la quête de pureté, c'est l'une des principales composantes d'une pensée totalitaire à l'origine d'un génocide. Il y a une rationalisation de la violence extrême, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un idéal, et ensuite, cet idéal va permettre de rationaliser le massacre. C'est ce que vous expliquez très bien dans le livre. Bien sûr, c'est l'idée de la pureté. D'ailleurs, c'est Hannah Arendt qui a dû dire quelque part, l'idéologie, c'est la logique d'une idée. Et c'est au nom de la pureté, au nom même de la liberté, au nom de tout ce que vous voulez, que les hommes sont prêts à tuer leurs semblables. Vous parlez même d'une sorte de maladie mentale d'un groupe, en fait. Oui, si on reprend ces travaux-là, ce que j'arrive à montrer, c'est la dichotomie entre le « nous » et le « eux ». Le « nous », souvent, il part de l'humiliation. Nous sommes des humiliés de l'histoire et on va prendre notre revanche. Pour ça, il faut qu'on soit « nous », donc il faut qu'on soit pur. Oui. Au nom de notre langue, au nom de notre religion, au nom de nos valeurs, de notre idéologie, au nom de notre ethnie. Et ce qui est important, c'est de montrer cette puissance explosive de la notion de pureté. Parce que la notion de pureté, elle appelle évidemment la notion d'impureté. Ce rapport pur-impur peut aussi être inféré, bien sûr, par le religieux. D'ailleurs, on a souvent dit que les bouddhistes étaient non-violents, etc. Mais je pense à la Birmanie. On n'imaginait pas que des leaders bouddhistes, au nom de la pureté, en appellent à vouloir expulser une minorité qui s'appelle les Rohingyas. Donc, ce qui s'est produit là, c'est un discours incandescent du « nous » contre le « eux », nous, les purs bouddhistes, contre les musulmans Rohingyas étrangers au pays. Et c'est par là que se construit des représentations haineuses d'un autre qui est à chasser, qui est à expulser, qui est à tuer, violer, etc. Vous avez exprimé à plusieurs reprises que ce travail sur les crimes de masse vous avait profondément atteint. Est-ce par esprit de combativité que vous avez décidé de montrer une autre facette de la France pendant l'occupation que celle de la collaboration, et notamment tenter d'expliquer cette énigme française, titre de votre dernier ouvrage, qui consiste dans le fait que 75% des Juifs en France ont survécu à la Seconde Guerre mondiale? Disons, ce n'est pas pour esprit de combativité. Justement, si ça s'appelle une énigme française, c'est qu'en tant que spécialiste du génocide, j'ai voulu comprendre pourquoi, dans un pays comme la France, qui possède un gouvernement collaborateur, le gouvernement de Vichy, et un pays qui est totalement occupé à partir de novembre 1942, les trois quarts des Juifs ont survécu. C'est une énigme. Parce que quand vous regardez les pays alentour, la Belgique, c'est 50% de Juifs qui ont été exterminés, les Pays-Bas, c'est 75%, la Pologne, c'est 90%, etc., etc. Donc, j'ai voulu faire mon job de chercheur, et c'est très sensible du point de vue de la mémoire, mais ce que j'ai mis en particulier en évidence, c'est que c'est à partir de l'été 42, quand on arrête les femmes et les enfants, les gens sont choqués, émus, et ils vont multiplier des gestes d'entraide. Alors comment ? Vous savez, il y a plusieurs manières de montrer cela. La première, par l'organisation. En août 1942, quand Vichy arrête des Juifs dans toute la zone sud, à la demande des Allemands, eh bien, à côté de Lyon, à Vénissieux, vous avez des organisations très diverses, organisations juives et organisations chrétiennes, qui vont se coordonner pour faire exfiltrer des enfants juifs qui sont dans un camp à Vénissieux. Ils vont arriver à sauver 108 enfants de la déportation. Ils vont avoir l'aide du cardinal Gerlier, qui s'oppose au préfet, parce que le préfet apprend que des enfants sont sortis du camp. Et le cardinal Gerlier, qui est pourtant pour Vichy, lui dit « Vous n'aurez pas les enfants ». Alors, il y a un autre exemple que je pourrais prendre à Paris, ça n'a rien à voir. Une famille étrangère qui est hébergée côté Bastille. Et dans les années 30, ils sont arrivés. La maman, le père, avec la fille, ont une bonne relation avec la concierge de l'immeuble. Arrive la rafle du 16-17 juillet 1942. Le père a été prévenu, il y a déjà des fuites de la préfecture de police. Donc il est parti, il reste la mère avec ses deux enfants. Et prévenu au dernier moment, la concierge va les cacher dans une sorte de grand placard qui est au rez-de-chaussée. C'est un immeuble. Et finalement, les policiers ne les prendront pas. Alors c'est différent parce qu'il y avait déjà une relation de connaissances depuis la fin des années 30 avec cette famille. Et finalement, la concierge, elle va le faire naturellement, si j'ose dire, d'aider. Oui, vous montrez aussi combien c'est important le fait que les... D'ailleurs, vous dites que ça, à l'époque, on les appelait pas les Juifs, mais les Français-Israélites étaient très bien intégrés. C'est ça. Donc, combien c'est important d'avoir eu des relations et des points de chute aussi. Oui, c'est ça. Il y a une différence entre les Français-Israélites qui sont intégrés, donc ils vont en principe avoir de l'aide d'amis, etc., y compris en zone libre. Et puis, cet exemple de familles étrangères qui n'ont pas cette histoire avant. Mais qui avaient cette relation quand même de voisinage. Qui avaient cette relation, voilà. Et ça, c'est très important. Puis, il y a un troisième cas. C'est purement le hasard. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est raconté par une dame qui s'appelle Arlette Scali, qui est à Toulouse, et qui, avec ses deux enfants et la nurse, dans un café-restaurant à Toulouse, je pense qu'on est à l'automne 1943, et elle doit aller aux toilettes qui sont au sous-sol. Arrivée là, elle entend du bruit, des tables qui sont renversées, des cris et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui frappe aux toilettes, toc, toc, toc. Surtout, ne bougez pas, c'est une rafle. Ça va durer à peu près 20 minutes. Elle n'entend plus rien, donc elle se dit, est-ce qu'elle peut sortir, est-ce qu'elle ne peut pas sortir, enfin bon, voilà. Et puis la même voix arrive et fait, toc, toc, toc, toc. Ils sont partis, vous pouvez sortir. Et elle sort, et elle voit personne. Alors ça, c'est... Mais et ces filles, alors? Ben, ces filles étaient restées avec la nurse, elles n'ont pas été prises. Voilà. Donc, c'est une aide d'un inconnu. C'est une aide du hasard. Elle n'a jamais su qui était la personne. Jamais. Incroyable. Ça paraît étonnant, mais dans cette année 43-44, on est vraiment dans un climat de guerre civile, en fait, en France. Donc, on peut comprendre ce type d'attitude. Par exemple, il y a aussi ces policiers de Nancy aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est un exemple très intéressant de désobéissance. De policiers à Nancy qui vont refuser d'arrêter les Juifs étrangers de la ville en juillet 1942. Ça fait suite à la rafle du Veldiv. Et c'était assez unique dans la période, jusqu'à leur donner des faux papiers pour qu'ils s'en sortent. Ils ont prévenu, c'est ça, à l'avance, en disant on va venir ce jour-là et ne soyez pas là. Oui, il vaudrait mieux que vous partiez. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans cette période de l'été 42, on va avoir des protestations d'évêques, dont la plus connue est celle de Mgr Saliège, le 23 août 1942. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Et bien sûr, l'Église catholique aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Mais à l'époque, c'était considérable. Près de 90% des Français étaient baptisés catholiques, la moitié d'entre eux allaient à la messe. Donc, quand des évêques prenaient la parole, ça avait du poids. Parce que l'Église catholique, c'était un pilier du régime de Vichy. Ça a été un point important dans cette évolution qui va conduire Vichy à ralentir ses arrestations en 1943, et on peut le vérifier par les chiffres. Et donc, ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est de montrer que ce gouvernement était engagé dans une logique, on va dire, criminelle. Et donc, cette entraide de la population, parce que les rapports de police montrent qu'il y a de l'aide de la population, ils sont au courant, plus les protestations des évêques, eh bien, ça va conduire à faire en sorte que Vichy freine sa participation au génocide. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme si la société civile, avec ses faibles moyens, avait été comme une sorte de garde-fou pour freiner la logique génocidaire. Et vous montrez aussi le rôle des campagnes où les villages ont beaucoup caché les Juifs et aidé aussi. Et pour préparer cet entretien, vous m'avez envoyé ces mots de Primo Levi au début de son fameux livre « Si c'est un homme ». C'est justement parce que le Lager est une monstrueuse machine à fabriquer des bêtes que nous ne devons pas devenir des bêtes. Puisqu'il est même ici possible de survivre, nous devons vouloir survivre pour raconter, pour témoigner. Et pour vivre, il est important de préserver au moins l'ossature, la charpente, la forme de la civilisation. Nous sommes des esclaves, certes, privés de tout droit, en butte à toutes les humiliations, voués à une mort presque certaine. Mais il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre avec acharnement parce que c'est la dernière, refuser notre consentement. Et vous ajoutez, vous, Jacques Semelin, ce refus du consentement, cet esprit de non-coopération est précisément à la racine de toute attitude de résistance non-violente. Est-ce que pour vous, la non-violence, c'est persister dans son humanité, refuser de devenir cette bête. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Primo Levi rapporte les mots d'un Autrichien ou Hongrois qui voit que Primo Levi ne veut pas se laver parce que l'eau est absolument immonde. Et il lui dit, mais tu le fais parce que c'est par là que tu vas continuer à avoir cette volonté de faire comme si tu pouvais te laver. Et c'est une leçon pour Primo Levi et c'est pourquoi il l'écrit dès le début de « Si c'est un homme ». Refuser le consentement. Alors, on peut l'interpréter comme une forme de non-coopération dans les termes des stratégies non-violentes, mais on peut aussi l'interpréter comme une posture de résistance d'un homme qui ne veut pas renoncer à sa propre humanité, à la maintenir coûte que coûte. S'il lâche là-dessus, c'est fini pour lui. Donc, si vous voulez, pour moi, qui cherche une forme de dignité dans l'horreur et d'un germe de possible résistance à l'horreur, eh bien, ce passage-là, je le trouve formidable. Et c'est vrai que c'est un peu, pour le coup, je reviendrai à vous, oui. Parce que Primo Levi parle d'une zone grise. Vous, vous dites que vous voyez gris. Oui. Et dans cette zone grise, il dit que, au fond, les bourreaux et les victimes sont écrasés ensemble par un même système qui anéantit leur commune humanité. Et Bruno Bettela, il m'en parlait aussi dans l'idée que c'est en voyant quand même le SS comme un être humain qu'il a pu lui-même persister dans son humanité. C'est exactement ça. De même que les détenus des camps peuvent avoir des attitudes violentes contre d'autres prisonniers, ne serait-ce que pour piquer leur nourriture. De même, Primo Levi montre aussi que chez le bourreau, il peut y avoir une posture, un instant, on va dire, d'humanité. Et c'est ce type de réflexion qui me plaît, moi. Si vous voulez comprendre mon approche, ça ne sera jamais en noir et blanc, ça sera toujours dans cette complexité des conduites humaines. Et c'est ce qui m'aide à penser. Je vois gris, je pense gris. Ça va être dans tous les domaines, s'agissant de la survie des Juifs en France, puisque le taux de survie est exceptionnel. Ça ne veut pas dire que j'oublie que dans les dernières semaines de l'occupation en France, en juillet 1944, on va encore continuer à déporter des Juifs. Mmh. On va aussi voir des préfets zélés qui, alors que la guerre est quasiment perdue, vont continuer à déporter les Juifs, surtout dans tous les territoires de la zone occupée. Donc il faut garder toujours cette dimension historique. Et ça nous amène quand même aux conclusions de vos deux livres, en tout cas ceux qui m'ont le plus guidée, je pense, pour cet entretien. Enfin, il y a aussi Sans armes face à Hitler, mais Pour sortir de la violence et purifier et détruire, parce qu'elles sont très différentes. Dans le premier, Pour sortir de la violence, vous semblez prudent, mais plein d'espérance. Oui. Je vous cite, peut-être faute de temps et faute de crédibilité, la non-violence ratera son rendez-vous avec l'histoire. En tout cas, elle porte en elle les germes d'une nouvelle histoire. Elle est en mesure de donner une nouvelle direction, un nouveau sens à l'histoire. Le 21e siècle sera non-violent ou ne sera pas. Et dans Purifier et détruire, vous exprimez plutôt une lassitude face à ces promesses clamées de plus jamais ça, qui ne cessent de recommencer. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui concernant la possibilité d'un 21e siècle non-violent ? Disons qu'il repose beaucoup sur la nouvelle génération. Je pense à toutes ces luttes qui essaient de se développer tant bien que mal à travers le monde. Par exemple, contre le réchauffement climatique. Oui. Ça en fait partie. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes sont extrêmement mobilisés. Cet avenir dépend d'eux, enfin d'elle. On ne peut pas capituler, quoi. Il faut se battre. Merci beaucoup, Jacques Semelin. Écoutez, merci à vous, Célia, d'avoir pris le temps de lire mes livres. Je suis d'autant plus sensible que, finalement, vous êtes la première à revenir à Pour sortir de la violence. Hein, on l'a un peu oublié. Et pourtant, j'invite vivement mes auditeurs et auditrices à se le procurer. C'est un ouvrage pour moi fondamental sur plusieurs chapitres. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cet entretien avec vous. Merci. Jacques Brel, La Quête. Une chanson qui vous a beaucoup soutenu à une période de votre vie, Jacques Semelin. Rêver en un